Put your hands together one time. Bonjour à tous, très chers amis de la langue française, et bienvenue à cette seconde édition d'Entrepode. Entrepode, l'extra show proposé par FrenchPod, qui est entre nous, entre amis, entre potes. There you go. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau pote avec moi. Nous avons le plaisir d'accueillir Léo de SpanishPod. Salut tout le monde. Qui a son histoire en fait, qui est donc liée à la langue française. Il aura le plaisir de nous l'expliquer au début de ce podcast. Ouais. Et la grande chance d'avoir Léo aussi aujourd'hui, c'est que Léo est natif du Mexique. C'est ça. Et comme nous allons parler de la fête de la Toussaint qui se célèbre en France. Au Mexique, ça se célèbre aussi et c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est important là-bas. Oui, c'est vraiment important. Mais en même temps, tu as étudié le français au Québec et je crois que tu m'as dit que là-bas, on ne célèbre pas la Toussaint. Non, là-bas, c'est plutôt américanisé, on dirait, là. Plus Halloween, non? Non, c'est l'Halloween, c'est ça. Excellent. Parce qu'après, on aura la possibilité de faire une petite comparaison entre Halloween et la Toussaint en France. Bon. Donc, je suis très heureux de t'avoir ici pour qu'on puisse en parler un peu plus tard. Bon. Bon, bah d'abord, Léo, pour tous les potes d'Entrepod, une petite présentation peut-être. Quand Amaury dit, je viens du Mexique, j'ai fait toutes mes études au Mexique jusqu'à 17 ans. D'accord. Là, j'ai décidé de partir au Canada. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le français? C'est beaucoup les filles. J'ai connu des Québécoises avant d'aller à Québec et je me suis dit, hey, les filles à Québec sont belles. Et tu étais prêt à toutes les concessions. Tu dis, bon ben, je suis prêt à apprendre le français pour ça. Ça ne me dérange pas qu'il fasse moins 40 l'hiver là-bas. Là. Donc c'est ça, je suis arrivé à Québec pour apprendre le français. En fait, c'est ça, je voulais apprendre le français. Ok, déjà à 17 ans? Ben, j'avais déjà 18 ans. Et c'est ça, je suis allé à Québec, j'ai pris mon cours de français. Je n'étudiais pas trop, là, mais je m'amusais. Ouais. Mais bon, ce qu'il faut, c'est socialiser pour c'est apprendre ça, une langue. Exactement. C'est très important. Ouais. Donc, parfois, je me suis fait une blonde. Ça veut dire une copine. D'accord, ouais. Une copine. Blonde, donc. Une blonde, on dit à Québec, une blonde québécoise. Ouais. Au début, on parlait en anglais entre nous. D'accord. Puis, avec le temps, on commençait à parler un petit peu français. Quand tu es vraiment proche avec quelqu'un, là. Ouais. Il faut que tu parles, tu sais. Donc, faut communiquer, ouais. Ouais. Donc, c'est comme ça que je commençais à parler français, en plus, en sortant avec du monde, à l'école un petit peu, j'apprenais quelque chose, j'allais pas beaucoup à l'école, mais... D'accord. Et est-ce que toi, l'accent des gens au Québec, t'as choqué au début, ou bien pour toi, c'était normal parce que tu connaissais pas assez le français? Au Mexique, j'avais déjà étudié le français un petit peu. T'avais des bases? Et j'avais des petites bases, là, je savais dire... Bonjour, je m'appelle Leonardo et tout ça. Oui. Mais au début, quand je suis arrivé à Québec, je me dis, ils parlent vraiment bizarre, ces gars-là. Tu n'avais jamais entendu? Non, c'était vraiment bizarre. Puis mes profs au Mexique, c'était des profs français. Parce que même dans les cours que j'avais à Québec, oui. Tu vois, ils t'enseignent des français avec des livres où tout est comme des français de la France. Ouais. Mais ce que tu apprends dans le livre, c'est pas la même chose que tu entends dans la rue. Là. Et pourquoi ils disent là, tout le temps, là. Ils t'enseignent pas ça dans les livres, tu sais, puis... Bien sûr, ouais. Mais c'est ça, avec le temps, tu t'habitues, quoi. Mais là, à la fin des phrases, c'est une autre particularité du Québécois. Ouais, ils disent là tout le temps. En France, vous dites quoi? C'est vrai, on dit quoi nous à la fin des phrases? En parlant avec vous, je me suis habitué à utiliser un petit peu le quoi là aussi. Et maintenant tu dis les deux ensemble, ouais. Là quoi? Quoi là? Donc comme tu nous l'as dit, à part les filles, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu à Québec là? À Québec là... non, les monde, ils sont tous vraiment gentils, quoi d'autre? Ils font la fête, ils ouais. Font vraiment la fête on dit à Québec, pas la fête. Ok, alors on a la chance d'avoir Léo qui intervient parfois dans les podcasts de FrenchPod. Vous l'avez peut-être écouté dans une leçon concernant l'été indien au Québec. Ouais. C'est vrai que tu étais venu nous en parler, ça avait l'air fantastique. Oui, le Québec c'est un beau pays. Ils ont l'héritage français, là. Donc sa culture est différente du reste du Canada. Ouais. En plus, même... c'est énorme. Ouais, ouais c'est énorme. C'est comme trois fois la France, peut-être. Facilement, ouais. Mais avec même pas la moitié en population, quoi. Ouais. Et 80% des gens qui parlent français. Mettons, à la ville de Québec, tout le monde parle français. Si tu demandes quelque chose dans la rue en anglais, ils parlent quelques mots d'anglais, mais... Ah bon, à ce point-là? Oui, c'est difficile. Ouais. Oui, c'est le français partout. À Montréal, c'est moitié-moitié. Il y a du moitié qui est anglophone, moitié francophone. Mais c'est pas mal bilingue. Tout le monde parle deux langues. Ouais, en tout cas, merci Léo pour toutes ces informations sur toi-même et sur le Québec. Alors maintenant, il est temps de parler de la fête que l'on célèbre en France le 1er novembre et qui est la Toussaint. Ouais. Donc c'est une fête catholique durant laquelle on célèbre les saints de l'Église et par extension les morts. C'est une fête qui date du 9e siècle après Jésus-Christ, donc c'est une fête assez ancienne. Et durant laquelle, dans les familles françaises, on se souvient des personnes disparues et la plupart du temps en se rendant dans les cimetières. Ah ouais. Et donc cette fête est assez ancienne, contrairement à la fête d'Halloween qui a été introduite dans le pays il y a une dizaine d'années et qui commence à être célébrée de plus en plus. Mais toi, est-ce que tu allais demander des bonbons quand tu étais petit, là? Jamais. Non? Non, ça n'existait pas. Maintenant, où j'habite, les enfants le font. Mais moi, bon, quand j'étais petit, y a pas de secret, ça fait 20, il y a 20 ans. ce jour-là, il y avait rien qui se faisait, en fait. Donc, le 31 octobre au soir, non, il n'y avait pas d'enfants qui demandaient des bonbons. Ouais. Ce qui se passe, c'est que cette fête est pour les saints, c'est célébrer, en fait, les saints de l'Église catholique chrétienne. Ouais. Et donc, même si la France est un État laïque, la majeure partie les gens sont catholiques et les gens vont ce jour-là se recueillir sur les tombes des gens, ouais, et mettre des fleurs et avoir une pensée. Ah, donc c'est ça. Et au Mexique, j'ai entendu que c'était aussi assez important puisque le Mexique est un pays catholique. Oui. Au Mexique, en général, c'est la même chose qu'en France, mais ils ont mis son côté mexicain. Ouais. Donc, c'est plus festif, on pourrait dire, parce que les gens, ils sont pas tristes d'aller voir les personnes qui sont mortes et tout ça. Ouais. Mais surtout, c'est que il y a un genre de pensée qui disent que c'est les jours où les morts, ou bien les âmes des morts, descendent par terre et visitent la terre. Et viennent partager un repas, non? Et c'est ça. Et ils mettent dans la table, ils mettent tout ça que la personne qui est morte aimait. Ses plats favoris. Oui, ses plats favoris. Genre la bouffe, ils mettent aussi de l'alcool, la tequila. Ah bon? Ouais, ils mettent des cigarettes parce qu'ils disent que c'est un long voyage. Ils viennent du monde des morts jusqu'ici, jusqu'à, ouais, la terre. Donc, il est fatigué, donc il faut qu'il reprenne ses énergies. Donc, il y a la bouffe, il y a de l'alcool, il y a tout ce qu'il a besoin. Et c'est bizarre parce que ça, je l'ai vu dans la tradition, parce que c'est la même religion. Cette tradition a disparu en France. Ça, ils ne le font plus. Tout ce qu'on fait, c'est on va poser des fleurs. Ouais. Toujours la même fleur, c'est des chrysanthèmes. D'ailleurs, quand tu te balades dans les rues en France, dans les supermarchés, ils vendent des chrysanthèmes partout. C'est quelle couleur cette fleur, hein? Tout type de couleur. Ok. Bleu, jaune, rose, rouge. Ok. Les gens vont simplement au cimetière pour déposer ces fleurs. Uh-huh. Par contre, la nourriture, la bouffe, il y en a. Enfin, on oublie, quoi. Ouais. À mon avis, il y a moins de saints qui redescendent en France qu'au Mexique. Mais c'est pas partout au Mexique. Mettons, moi, je viens du nord du Mexique. Ouais. Et là-bas, on est beaucoup plus influencé par les États-Unis. Et donc, on célèbre plus l'Halloween que la fête de tous les saints. Ouais. Mais au sud du Mexique, dans le centre du Mexique, ils font vraiment plus sérieusement. La tradition, ça continue. Puis ça fait maintenant partie de l'héritage, je sais pas quoi. Comment tu dis ça? L'héritage mondial. Ouais, déclaré par l'UNESCO. Et au Québec, t'as vu les gens? Au Québec, j'ai rien vu à propos de tous les saints. Ça fait Halloween, puis tout le monde va faire les parties déguisées en diable ou sorcière. Qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est l'Halloween, là, c'est tout. D'accord. Beaucoup influencé par les États-Unis aussi. Carrément, ouais. Ouais. Mais en fait, ces deux fêtes ne sont pas si distinctes les unes des autres, puisque Halloween, c'est une vieille tradition qui vient de la culture celte. Oui, de l'Irlande. Exactement, ouais. C'est les Irlandais qui ont importé ça aussi en Amérique du Nord et qui continuent à être célébrés aux États-Unis, au Canada surtout. Donc cette fête de la culture celtique existait aussi en Europe. Et c'est simplement un moment, l'église catholique a, ouais, décidé de remplacer parce qu'en fait c'était une célébration de dieux païens. Voilà, de dieux qui n'étaient pas le dieu catholique. Le dieu catholique. Ouais. C'est bizarre parce que quand tu vois l'exemple des citrouilles, ouais, qui viennent en fait des campagnes en Irlande, ils n'utilisaient même pas des citrouilles au début, ils mettaient des navets, oh, ouais, qu'ils creusaient et ils mettaient une lumière à l'intérieur, ouais, et ils mettaient ça dehors de chez eux, mais c'était pas pour célébrer les choses diaboliques, les mauvais esprits, c'était pour les écarter. Donc, tu vois, c'est pas vraiment, c'est pas une célébration. Donc finalement, c'est pas si mal, peut-être que maintenant ça se regroupe. Ouais. En tout cas pour la France, c'est que maintenant, bon, bah maintenant les gens peuvent fêter et Halloween et le lendemain rendre hommage au cimetière, aux, ouais, personnes qui sont décédées, aller les voir. Dans une autre raison pour faire la fête, quoi. Exactement, il y a pas de mauvaise raison pour faire la fête. C'est ça. Alors, en tout cas, une bonne chose, c'est que en France, ce jour-là est férié. Ouais. On ne doit pas aller travailler. Non, c'est vrai. Ouais. Au Mexique, tu penses que c'est pas officiellement férié. Oui. Il y a peut-être des entreprises qui donnent les jours pour ne pas travailler, mais officiellement, je pense qu'il faut travailler quand même. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est sur le 1er novembre en France, il est férié. Donc, est-ce qu'on va fêter ça? Bon, on a déjà fêté ça un peu hier. Ouais. Bon, on va continuer. Oui, ça s'arrête pas là. Ouais. Jusqu'à Noël. Vous voyez que les conditions de travail sont un peu difficiles ici. Très bien. En tout cas, j'étais ravi de t'accueillir ici. Merci. Je suis content, j'ai appris pas mal de choses sur, sur toi aussi. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur tous les saints en France et tout ça. Donc, à mon avis, on va se revoir. J'espère que oui, hein. Ouais. C'est amusant, puis j'adore ça, parler français. Ça m'a fait pratiquer. Excellent. Vous aussi, n'hésitez pas à parler français. N'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com. Laissez vos commentaires et si vous avez un sujet dont vous voudriez qu'on parle ici à Entrepod, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'en parler. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci. Merci et à la prochaine. Salut.